Standard Matignon, bonjour. Ouais. Allô? Allô? M'entendez-vous? Je ne vous entends pas. Je raccroche. Rue de Varennes, de François Perrache. Cinquième saison, l'Arche d'Alliance. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'Arche d'Alliance va vous revenir. Les anges la porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Sourate numéro 2. Verset 248. 57, rue de Varennes. 23e épisode. Ô ministres intègres. Dans la vie sauvage, mes amis, la chaîne alimentaire est constituée d'une succession ininterrompue de prédateurs et de proies. C'est une loi de la nature. Les responsables politiques n'échappent pas à cette règle. Et le président Gerland, fauve parmi les fauves, est en train de jouer sa propre survie. Tuer ou être tué. Telle est la loi. Il existe un troisième type qui suscite le dégoût. Les charognards. Un terrible accident automobile vient de frapper de mort plusieurs enfants. Et déjà, hyènes et vautours rôdent. Ministres et journalistes se disputent leur jeune chair dans un festin de mort. Oh, ministres intègres. Le homard ? Pas pour moi, malheureusement, je suis allergique. C'est pour madame. Merci. Et les films de Claire, donc, pour monsieur. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci. Même quand tu crois être galant, mon petit Hakim, tu restes un parfait mufle. Quoi ? C'est pour madame. J'ai vieilli à ce point ? Non, non, dis rien. Bah, toi aussi, t'as pris un peu de bide, on dirait. Hein ? Enfin, ça te va bien. Bon, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette invitation après tout ce temps ? Ah, mais j'ai pas dit que je t'invitais. C'est passé de mode, je crois. Ah, si, si. C'est pas avec mon salaire minable de prof de fac. Et puis, je voudrais pas entretenir ma réputation. J'ai appris que c'est comme ça que mon patron du FR m'appelait, la cougar. Élégant, non ? Pourtant, je me suis plus jamais tapé un de mes thésards. Ah, je suis désolé, je savais pas que notre histoire. Non, mais t'y es pour rien. Enfin, pour rien. Alors, qu'est-ce que je peux pour toi que t'as pas trouvé sur Internet ? Viens-en au fait avant que tes huîtres ne refroidissent. Ta spécialité, l'article 68. Ah merde ! Gerland ? Mais je croyais que t'avais raccroché avec l'Élysée. C'est une démarche personnelle, on va dire. Pierre-Yves a besoin d'aide, donc j'ai besoin de toi. Article 68 ? Donc c'est grave à ce point. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas. Hakim ? Je sais pas exactement. Si je savais... Tu me dirais pas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'article 68 ? Tu connais les bases, j'imagine ? Oui, mais je veux bien un petit rappel. Article 68, alinéa 1er. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Voilà. Alors, on peut débattre sur la notion de manquement. Et en pratique, il faut qu'une des deux chambres, assemblée au Sénat, propose la réunion de la haute cour à la majorité des deux tiers. Donc ça n'arrivera jamais. Mais admettons que ça arrive. Alors, dans cette hypothèse, la proposition est immédiatement transmise à l'ordre du jour de l'autre assemblée, qui doit aussi l'adopter à la majorité des deux tiers. En pratique... Mais admettons. Là, on entre dans la pure fiction. Hein. La haute cour, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires, se réunit. Je te passe les détails. On constitue un bureau de 22 représentants, on monte une commission tartempion avec 6 vice-présidents de chaque assemblée qui fait un rapport pour la haute cour, etc. Le président peut être auditionné pour défendre son cas et, au bout d'un mois, si la procédure n'a pas explosé en vol ou que le président n'est pas mort ou n'a pas démissionné, l'ensemble des parlementaires réunis en haute cour vote à nouveau un bulletin secret. Et là encore, je te le donne en mille... Il faut... La majorité des deux tiers. En pratique, etc. Et disent quoi les autres alinéas ? Le reste de l'article, c'est de la tambouille constitutionnelle, réglementaire. Assez indigeste. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Je veux tout savoir. Les moindres failles de l'article, s'il y en a. Comment vous avez rédigé la loi, l'historique du truc. des éléments de droit comparés, comment se passent les procédures de destitution dans les autres pays. Tout ce qui pourra nous aider. T'en parles déjà au futur, hein, Gerland flippe à ce point. Il devrait pas. Le président français est le plus irresponsable de tous les chefs d'État. La procédure française est infiniment plus lourde que l'impeachment américain, par exemple. Hakim, ce sont des lois qui sont conçues pour ne pas être appliquées. Je sais de quoi je parle, j'ai bossé dessus. Même après l'adoption du nouvel article 68, on a mis 5 ans juste pour faire aboutir la loi organique d'application. 5 ans. Pourquoi ça a été si long? Comment te dire? Disons que... Bah, disons que c'est parce que le prédécesseur de Gerland, feu le président Rimou, ne voulait pas en entendre parler. Bah tu m'étonnes. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais de ce que je sais, si Gerland est dans la merde aujourd'hui, c'est justement à cause de Rimou. Gerland n'a fait qu'appliquer une décision de son prédécesseur. Aujourd'hui, Rimou est mort et se décompose au fond de l'océan, et c'est Gerland qui risque de payer les pots cassés. Belansky, c'était vrai alors? Bon, et donc, comment l'Élysée a pu bloquer la loi pendant 5 ans? Réponds-moi, c'est Belansky, c'est ça? Et tu veux aider Gerland à s'en sortir? S'il te plaît. Comment l'Élysée a réussi à bloquer pendant 5 ans la loi? En mauvais vaudeville, Rimou a commencé, en sous-main évidemment, par épuiser tous les méandres administratifs et législatifs. L'Élysée a organisé je ne sais pas combien d'allers-retours entre les deux chambres, les commissions permanentes, les bureaux des deux assemblées, bref. C'est pas les idées qui manquent pour retarder le travail législatif. Mais la procédure a avancé malgré tout. Et le dernier verrou, c'était le Conseil constitutionnel. Or, qui préside le Conseil? Joaton. Et tu te souviens de l'affaire de la putain du Palais Royal? Histoire de sa maîtresse cachée, les chaussures de luxe, des voyages, tout ça. Et c'est là qu'on entre dans le vaudeville. Joaton au Palais Royal peut débloquer la loi organique, mais Rimou le tient avec cette histoire de maîtresse. Sauf que Joaton, au Conseil Constit, a aussi le pouvoir d'invalider les comptes de campagne de Rimou, qui contenaient quelques grosses irrégularités, pour dire ça en langage diplomatico-juridique. Et Joaton et Rimou ont trouvé un accord. Ça arrangeait tout le monde. Joaton a demandé à Rimou de le couvrir pour son histoire de mœurs, et en échange, Rimou a fini par accepter la promulgation de l'article sur la destitution du PR. Alors, et puis tant que Joaton restait président du Conseil Constit, ça arrangeait Rimou que personne vienne mettre le nez dans ses comptes de campagne. Enfin, le principal risque de fuite, c'était Belansky, en tant que trésorier. Mais on connaît la fin de l'histoire. Donc en résumé, t'es en train de me dire que la validation de l'élection de Rimou et le statut pénal du président tiennent uniquement au fait que Joaton avait une maîtresse? Uniquement non, mais principalement. Et vive la République, et vive la France. De toute façon, Hakim, cet article 68, il sert à rien. Un peu comme le référendum d'initiative populaire. Ça existe pour amuser la galerie. Mais toutes les démocraties ont imaginé des dispositifs théoriques pour se protéger des excès du pouvoir. Mais ils sont jamais mis en œuvre, jamais. C'est amusant d'ailleurs. C'est par hasard que t'as choisi de prendre des huîtres? Non, bon, parce que... Non, je me suis dit qu'un restaurant de fruits de mer, ça te ferait plaisir. T'as oublié? Non, j'ai pas oublié. Mais toi, en revanche, t'as oublié mon cours sur les origines de la Constitution. Bah, faut dire que je te regardais beaucoup et que j'écoutais peu. Bon, arrêtez, jeune homme. Si vous aviez été plus attentif, vous vous souviendriez de la partie de mon cours intitulée « Ostracisme et pétalisme dans la démocratie athénienne ». Et tes huîtres n'auraient pas le même goût. Alors, va falloir être plus explicite parce que j'ai perdu le fil entre l'article 68 et les fines de Claire. Bon, alors je remets ma casquette de prof de fac encore une minute, comme ça t'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. S'il te plaît. On peut considérer, pour aller très vite, que la procédure de destitution du président de la République trouve son origine dans la procédure d'ostracisme de la démocratie athénienne. Tu me suis? Lorsqu'un citoyen influent essayait d'abuser de son pouvoir, les autres citoyens pouvaient voter son bannissement en inscrivant son nom sur une petite coupelle qu'il brandissait dans l'assemblée et qu'on appelait l'ostracone, qui veut dire coquille d'huître. Et qui a donné ostracisme et ostréiculture. La procédure a très peu servi, et tu sais comment elle a finalement disparu? Comme toutes les autres, par son dévoiement. Et on n'a plus jamais servi les coquilles d'huître. Bon appétit, messieurs. C'est la dernière fois que je te le demande, Brigitte. Je vais vous laisser. Non, tu restes, Valérie. La réunion est presque finie. Le temps que Brigitte me réponde. Écoute, Camille, je comprends pas ce que tu veux me faire dire. Tu comprends parfaitement. Alors réponds-moi simplement, comment as-tu pu arriver dans cette école moins d'une heure après l'accident ? Je suis ministre de l'éducation, Camille. Il fallait que j'y aille. C'est mon rôle. Ce n'est pas ce que je te demande. Je veux entendre de ta propre bouche comment tu t'es rendue à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, à différents postes. J'ai passé l'âge de me faire traiter comme une petite fille. Tu veux pas sortir de ton bureau ? C'est ton problème. Mais on fait pas de politique le cul sur une chaise, monsieur le Premier ministre. Même en étant très intelligent. T'as pas l'air de te rendre compte qu'on te sauve la mise ? C'est nous, sur le terrain, qui assurons le service après-vente de tes réformes. Les Français te détestent, Camille Fournier. Vraiment. Sans nous qui arrondissons un peu les angles, tu serais déjà au bout d'une pique. La tradition pour les nègres, c'est plutôt la pendaison. Non mais écoute-toi, tu te hais toi-même. Comment tu veux aimer les autres ? Je sais pas ce que t'as au fond de toi, Camille. Et la vérité, c'est que je m'en fous. Ça fait un an que je te vois presque tous les jours. Et je te connais toujours pas. T'en as plein la bouche, hein, de ces mots. Ordre, justice. Mais pour qui tu te prends ? Je sais pas de quoi ou de qui tu veux te venger. Mais ça te rend mauvais, Camille. Méchant. Alors tu peux t'en prendre à moi, si tu veux. Mais il y a eu un grave accident dans une école primaire. Mon rôle de ministre, c'est d'aller sur le terrain et de montrer un peu d'empathie auprès des élèves, des parents et des enseignants. Tu comprends ça, empathie ? Les gens ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime et qu'on s'occupe d'eux. En organisant une conférence de presse au milieu des victimes ? On en est où de la sécurisation des écoles du Loiret ? Quoi ? Le type qui a foncé sur ces gamins se balade toujours quelque part autour d'Orléans, notamment parce que ce minable de Pelletier passe lui aussi la moitié de ses journées en conférence de presse. On en est où des mesures de sécurité pour protéger les autres écoles de la région ? Camille. Je crois que Dominique s'en est occupé. Tu crois ou tu en es sûr ? C'est ça, Brigitte, ton boulot. C'est ça, s'occuper des gens. 8 gamins. 8 ! Enzo, Lucas, Maëlys, Yacine, Ethan, Maya, Thiago, Sacha, je leur dis quoi aux parents ? C'est dégueulasse ce que tu fais ! Dégueulasse ! Comme si... Non, c'est vrai. C'est pas de ta faute. Mais tu veux toujours pas me dire comment tu allais là-bas ? Ok. Armel ? Oui ? Pour les déplacements des membres du gouvernement, comment je fais pour savoir quels moyens de transport ils ont utilisés ? C'est pas... En leur demandant ? Sinon ? Si c'est le ministère qui organise, le chef de cabinet doit pouvoir nous répondre. Si c'est un déplacement en avion ou autre, il faut voir avec le commandement de l'ETEC, l'escadron de transport. T'as besoin d'une information particulière ? Tu veux que j'appelle l'ETEC pour qu'il me dise ? C'est bon, c'est bon. Arrête ! Arrête ! Oui, j'ai pris un hélicoptère, voilà ! Camille ? Merci, Armel. J'ai la réponse à ma question. C'est Pelletier qui a lâché le morceau, j'imagine. Hein ? Oui, j'ai pris un hélicoptère pour être au plus vite auprès des victimes. Voilà, t'as ta réponse ? T'es content ? Non, je ne suis pas content, Brigitte. Je me fous que tu sois là en hélico, à cheval ou à dos de chenille. Mais je ne supporte pas et je ne supporterai pas que tu me mentes. Parce que tu crois que Pelletier ne ment pas ? Que ta dire-cab ne ment pas ? S'il te plaît, Brigitte. Tu crois que Gerland ne ment pas ? Mais c'est une blague. Mais tout le monde ment, Camille. Et je te parle pas de politique, là. Tout le monde ment. Parce que c'est ce qui rend la vie supportable. Pour les gens normaux, en tout cas. Normaux ? Tu sais que le préfet m'a dit qu'ils avaient manqué d'hélicoptères pour évacuer les gamins ? Ah non, Camille, pas ce coup-là. Et arrête ! Avec ta main ! On dirait Rainman. Tu penses que les gens réagiraient comment s'ils apprenaient que tu es venu en hélico ? Et pourquoi ? Ils l'apprendraient ? Et comment ? Ils l'apprendraient ? Hein ? Mon hélico, il venait de Paris, Camille. Il aurait pu sauver personne. Et quand bien même, il n'est pas fait pour transporter les blessés. Ce que je déteste chez les politiques, c'est que vous avez réponse à tout. Ce que j'admire chez toi, Camille, c'est que t'as toujours raison. Tu peux y aller. Oh. Et fais le point avec Pelletier pour vérifier que les écoles sont protégées. Tu devrais pas, Camille. Tu devrais pas les humilier. Pas besoin de prendre des œufs frais. C'est hyper simple. Donc, tu prends un œuf et tu perces un trou minuscule. Plus le trou est petit, mieux c'est. Et puis, ça évite que ça pue chez toi, quoi. Tu fais le trou avec une aiguille de couture, par exemple. Là. Et t'as plus qu'à laisser pourrir l'œuf en le laissant dans une boîte à l'air libre. Alors, il n'y a pas de bonne durée. Mais 2 à 3 semaines d'attente, je dirais, c'est le top. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que t'attendes trop pour pas que l'œuf dessèche complètement. Mais il faut attendre quand même un peu pour qu'il chope une odeur bien, bien pourrie. Et voilà, il n'y a plus qu'à trouver une cible et à balancer, quoi. Vas-y. C'est pénible, hein, Valérie, de devoir toujours te dire les trucs deux fois. Je t'ai répondu, je n'irai pas. J'aimerais ne pas avoir à me battre aussi avec ma dircab. Tu fais chier, Camille, tu fais vraiment chier. Oui, monsieur. Je vais finir par donner raison à Traigneau, tu es orgueilleux et désagréable. Perso, je m'en fous. C'est mon job de te supporter. C'est juste pas efficace de se comporter comme ça. Camille, ça devrait te parler, ça, l'efficacité. La gestion de cet accident, c'est typique de ce que tu crois efficace et qui te dessert, Camille. Tu as fait tout le boulot avec le préfet pendant que Pelletier pavane et cela joue super flic et que Traigneau pleure devant les caméras. Bilan ? C'est eux qui sont jugés les plus en pointe sur le dossier et tu passes encore pour le mec insensible. C'est injuste, mais c'est comme ça. Alors, va aux obsèques de ces gamins, n'y va pas, je m'en fous. T'irais expliquer aux familles que tu pouvais pas parce que t'avais trop de boulot. Tu m'écoutes ? Oui, oui. Mais t'es d'accord avec moi que Pelletier est le pire ministre de l'Intérieur de la 5e ? Comment tu expliques qu'il ait survécu à toutes ces alternances ? Elle est où l'efficacité ? Et bon, Brigitte Traigneau. Comment Gerland a pu nommer cette vieille arriviste cynique alors qu'il prétend que l'éducation est une priorité de son mandat ? Pourquoi elle ? Elle appartient même pas à son parti. C'est le principe d'un ministre d'ouverture, Camille. Sans Traigneau et quelques autres ténors de l'opposition au gouvernement, on n'aurait jamais les majorités requises à l'Assemblée. C'est ça, l'efficacité. Ténors de l'opposition. Un ramassis d'opportunistes. Ah ! OS pour GSPM, on met la gomme. Désolé, monsieur, c'est rien. C'est juste un œuf, je pense. C'est un œuf, hein. Regardez. Heureusement que ma fenêtre était fermée, je me le serais pris encore en pleine poire. Putain, à chaque fois ça me... Pas de panique. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Au moins on pourra dire que pendant mon mandat, j'ai soutenu le secteur avicole. Si ça continue comme ça, ce sera plus des œufs que tu vas recevoir, ce sera des parpaings. Mais non, c'est comme les manifs, c'est un peu impressionnant, mais c'est très bien, ça décharge leur violence, ça la canalise. Je suis pas inquiet, on tiendra. La police en France est bien faite, la preuve, on s'en sort. Même avec un ministre aussi nul que Pelletier. C'est pas ça que tu suscites autant de violence. Je continue de penser que tu pourrais lever un peu le pied sur les annonces et faire un petit effort pour adoucir ton image. Au contraire, je vais continuer de pousser jusqu'à la limite de la rupture. Mes successeurs me diront merci. Ce pays, c'est de la vieille viande. À force de taper dessus, je finirai bien par l'attendrir. Faut continuer à réformer. Le point de rupture n'y est pas encore. Les Français peuvent encaisser plus. Tant qu'ils gueulent ou qu'ils me balancent un œuf de temps à autre, ça va. Que tu te fasses canarder sur les ronds-points, ok, mais ça commence vraiment à craindre. Ils viennent jusque devant Matignon, là. Raison de plus pour déménager au plus vite à la Défense. C'est pas les cadres de chez Total qui nous balanceront des œufs. Faut accélérer le déménagement. Et au moins avec le drame de Saint-Jean, mon annonce est passée comme une lettre à la poste. Mais dis donc, Camille, c'est presque une réflexion de vieux politiqueur cynique, ça. Ouais, c'est le métier qui rentre. Te réjouis pas trop vite pour le déménagement. J'ai fait tester ton annonce par la Sauffresse. Les Français s'en foutent qu'on déménage, mais c'est au niveau des politiques que ça va coincer. Ils vont pas lâcher comme ça les ordres de la République. Et le plus grand jardin de Paris. D'ailleurs, faut qu'on choisisse ton arbre. Quoi ? Pour le jardin, c'est une tradition, chaque premier ministre plante un arbre. Il faut en choisir un pour toi, tu veux quoi ? Un chêne ? Un arbre fruitier ? Je sais pas. Un bananier ? Y a pas d'autre urgence ? Ok, on en reparle plus tard. Mercadal était à la radio ce matin, tu l'as écouté ? Jamais. Il a dit que quitter Matignon était une connerie. Déron Chevalier m'a appelé aussi hier pour me souffler dans les bronches. Le président a pas réagi officiellement, mais il est furax parce qu'il s'est fait engueuler par la mère Miquel. Le MEDEF va tout faire pour bloquer. Ouais, j'ai senti le président hyper tendu, mais surtout j'ai l'impression qu'il me cache un truc en ce moment, il est fuyant. Je voudrais pas qu'il me fasse un enfant dans le dos. Probable. J'ai appris qu'il doit recevoir Françoise Miquel à l'Elysée ce matin. Ah bon ? Comment tu l'as su ? Et pourquoi tu m'as pas dit ? Parce que t'es pas invité. Françoise Miquel voulait une rencontre discrète. Gerland aussi, je pense. Je ne vais pas me laisser mettre les bâtons dans les roues par cette petite épicière. Ce déménagement se fera. Quand est-ce qu'il la voit ? Miquel ? Ce matin, je te dis. Enfin, je crois. En ce moment, sans doute. On laisse tomber l'Assemblée. On va à l'Elysée. Oui, monsieur. Camille ! On a 140 députés qui t'attendent. Eh ben, ils iront la buvette. À l'Elysée, hein. Tu fais chier. Arrêtez-vous. Je descends. Un instant, madame. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais ? Je rentre à Matignon. À pied, ça me fera une promenade. J'ai du boulot. Démerde-toi tout seul avec Gerland. De toute façon, il refusera de te parler. Mais... Et sur le chemin du retour, si t'as le temps, arrête-toi à l'Assemblée. Je sais pas si tu te souviens, on avait une réunion de prévue. Mais, monsieur ? On y va. Où ? À l'Elysée. Pourquoi il s'énerve ? Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, Edwige ? Je regrette, monsieur le Premier ministre, mais... Non, non, je n'ai pas de réunion programmée avec vous et madame Miquel dans l'agenda du président. C'est impossible que le président soit en train de rencontrer la patronne du MEDEF sans moi. C'est quoi l'objet de leur rencontre? Je l'ignore, monsieur. Et vous êtes déjà fort bien renseigné. Leur rencontre de ce matin n'est pas à l'agenda officiel du président. Nadir Kab a été conseillère éco de Pierre-Yves quand il était à Matignon. Elle a gardé quelques contacts utiles, y compris au MEDEF. J'imagine que l'entretien avec Madame Miquel porte sur le déménagement de Matignon. J'ignore, monsieur. Of course. Mais j'aimerais beaucoup participer à leur conversation. Si je peux me permettre, le président vous aurait convié s'il avait souhaité que vous participiez aux échanges. Vous pouvez lui demander. Maintenant que je suis là, Manipani, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pourriez juste aller glisser un mot discrètement à Pierre-Yves pour lui dire que j'aimerais beaucoup être présent à cet échange entre lui et la présidente du MEDEF? L'avenir de Matignon est en jeu, ça me concerne tout de même. Please, Manipani, I need your help, I really do. Je ne parle pas anglais, sœur. Please. Vous l'aurez voulu. Il déteste être dérangé. Thank you, darling. I'll be waiting. Thank you. Propose d'attendre dans le salon jaune la fin de l'entretien. Il veut bien vous recevoir, mais seul, et dans 10 ou 15 minutes environ. 15 minutes ? Il avait l'air assez agacé. Dommage. Valérie vient de m'appeler pour me demander de rappliquer au plus vite à Matignon, toujours les urgences. De toute façon, si tu ne peux pas assister à l'entretien avec Françoise Miquel, hein, ça peut attendre. Hein ? Mais et qu'est-ce que je dis au président, moi ? Que je le vois au plus vite. Avec Humani Pali. Valérie Mérieux, merci de laisser un message. Oui, je sors de l'Elysée. T'avais raison. J'ai pas pu voir Miquel, hein, ni le président, mais j'ai mieux que ça. Bonjour. J'ai eu confirmation pour mes soupçons. Alors, j'ai réussi à jeter un œil à l'agenda du président. Heureusement, sa secrétaire travaille encore sur papier. Oui. Je t'ai rencontré. J'ai mes infos. Gerland a programmé deux déjeuners chez Françoise Miquel avec tout le monde. Tout le monde, sauf moi. Le premier déj, c'est samedi, et le deuxième, mercredi prochain. Je rentre à Matignon, là, et on en parle. J'ai pas identifié tous les invités, avec les initiales, mais il y a au moins Mercadal, Kervelec, Perron Chevalier, bref, c'est bien ce qu'on craignait. Gerland va essayer de faire capoter le déménagement avec le MEDEF et les anciennes Matignons. Enfoiré. Il est midi pile, monsieur. Vous voulez écouter le journal ? Non, merci. Oui, salut Armel. Je repasse au bureau, il faudrait appeler l'Assemblée pour leur dire que je viendrai pas. Mais invente un truc, ce que tu veux. Et j'aurais besoin d'une confirmation. J'ai pas un rendez-vous de prévu avec le président ce samedi, au déjeuner. Ok. Et mercredi prochain non plus. Non, ça évidemment, j'avais pas oublié. Mais à part le conseil des ministres, j'ai pas un déjeuner calé avec Gerland dans la foulée. Non, c'est très bien, je voulais juste vérifier. Armel, je ne sais pas ce que j'ai à l'agenda, mais il faut absolument me libérer le déj de samedi. Changement de programme. Et trouve-moi l'adresse perso de Françoise Miquel. Oui, perso. Je vais lui faire une petite surprise. Elle est au président. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 23e épisode. Chris Nyangona, William Nadilam, Aline Lebert, Yannick Chouara, Florence Muller, Claude Perron, Anne Deleuze, Anne Cantino, David Mandineau, Jean-Christophe Fraîche, Lisa Perriot, Hugo Dillon, Michael Grant, Frédéric Dimney et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Claire Chenot. Réalisation, Cédric Ossire.